Quand tu connaîtras le métier à fond, tu sauras qu'entre deux veaux qui font 10 kilos de différence, c'est pas forcément le plus lourd qui est le plus avantageux. C'est pas toujours facile à décider. C'est là où on connaît les fins bouchers et les vrais bouchers. Faut savoir tâter, regarder le poil, regarder les yeux. Les yeux. Parfaitement, les yeux. Y a rien qui vous parle comme un œil de veau quand on connaît son affaire. Et le jour où j'ai acheté ce monsieur-là, je me suis décidé sur le poil et sur l'œil. Est-ce que je me suis trompé? Il est pas mal. Et comment il est pas mal? Dans une bête comme voilà, il y a pour ainsi dire point de déchet. On mangerait les tripes sur du pain. Je vais faire les livraisons. C'est ça, mon garçon. Bien. Ben, monsieur Moreau, je viendrai chercher ma montre mardi. Mardi? Ah non, non, non, non, non. Non, c'est impossible. Mardi. Je suis obligé de fermer le magasin. Fermer le magasin, comme si on l'obligeait. À cause d'un imbécile de propriétaire, mon voisin le boucher. Il choisit justement ce jour-là pour réparer la façade. Vous pensez comme la façade a besoin d'être réparée. Regardez-la un peu, la façade. Non, mais regardez-la. En effet, voilà une façade qui est toute neuve. Toute neuve, ça recommence. Toute neuve, je ne vous le fais pas dire. Cet homme-là ne s'est qu'imaginé pour entraver le libre exercice de ma profession. Bien. Pour ma montre... Si je vous disais que ce boucher n'avait autant dire pas un sou, quand il est arrivé ici, pas un sou, vous m'entendez? Il s'est installé à la place du libraire, qui a fait de mauvaises affaires. Encore un signe des temps. Ce libraire était une intelligence d'élite. Oh, non. Je me rappelle. Bon, pour ma aujourd'hui, ce sont ces gens-là qui font faillite. Je vous dis que le monde est renversé. Oh, il n'y a rien de plus vrai, tenez-moi. À présent, on ne respecte plus rien, il ne s'agit que de gagner de l'argent. Oh, ça, c'est bien vrai. Ce Duxin est arrivé ici avec son fils, Alfred, il y a 4 ans. Sans qu'on ait pu savoir au juste d'où il venait, car c'est là le plus beau. Il n'est même pas de la région. Il n'est même pas de la région. Eh bien, l'année dernière, il achetait la maison où je suis locataire depuis 22 ans. Voilà un habile homme. Oh, un habile homme, non, non. Non, je la connais, la maison. Une vieille baraque qui a toujours besoin de réparation. Pensez bien que si j'avais voulu l'acheter, ce n'est pas l'argent qui m'aurait manqué. C'est justement ce qui fait enrager notre boucher, tout propriétaire qu'il est. Il ne peut pas en imposer à un homme qui paie patente depuis 22 ans, comprenez? Monsieur Moreau, quelle heure est-il? 5h25, à l'observatoire de Greenwich. Non, mais vous comprenez pourquoi Duxin est jaloux, hein? Vous comprenez? Ah, mais j'ai encore 16 ans de bail et ces manœuvres ne m'intimident pas, moi. Bien sûr. Eh oui, bien sûr. C'est pourtant ce que ma femme ne veut pas comprendre. Vous connaissez Madame Moreau? Ça n'est pas une personne timide, n'est-ce pas? 5h25. Eh bien, en face de cet animal de boucher, elle perd toute son assurance. On dirait qu'elle a peur de lui déplaire parce qu'il est propriétaire. Je lui dis tous les jours, mais voyons, Lucienne, puisque nous avons 16 ans de bail, rien n'y fait, rien. Je vais... Tout seul, je suis tout seul à organiser la résistance. Mais... Et pour le coup de la façade, j'ai imaginé une petite sanction qui va bien lui rabattre son cake. Au revoir, monsieur Moreau. Je repasserai. M'en dirai des nouvelles. Un raccommodeur de pendule qui passe le plus clair de son temps à déblatérer contre moi. Qui mène un potin du diable avec ses 16 ans de bail. C'est vrai, Alfred, dis pas le contraire. C'était pas de sa femme. Je veux pas faire d'ennui à Madame Moreau, c'est une femme trop convenable, qui n'a pas les idées de son mari. Jolie femme, nom de nom. Jolie femme. Je n'aurais pas mérité d'être mariée avec ce vieux-là. Tu as pensé à mettre du mou de côté pour les chats du percepteur? Ouais, ouais. Femme comme je pourrais m'en souhaiter une. Moi qui suis veuve depuis 6 ans. Trop jolie femme dans un sens. Trop distinguée pour la boucherie. Une taille, bon Dieu. Et des machins. Hey. Venez voir ce que je vous disais. Oh, bah vous alors, hein. Vous vous laissez pas marcher sur les pieds. Fermeture mardi à cause de la mauvaise foi du boucher. Ça, c'est bien trouvé. Mais dites-moi, vous ne craignez pas les suites? C'est qu'il est de taille à se défendre. Il y a des brutes qu'on n'apprivoise pas. On les dompte. Je vous souhaite bonne chance. Dites donc, monsieur Duxin. Ouais. Et il vous arrange bien, le bijoutier? Ah, le bijoutier, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Eh ben, vous n'avez pas lu la pancarte, hein? Vous voudriez la lire, ça va joliment vous intéresser. La pancarte? Quelle pancarte? Lisez-la. Oh, non, non. Si jamais je m'attendais. Vous allez m'ôter ça, hein? Vous allez m'ôter cette saleté-là tout de suite, hein, vous m'entendez? Tout de suite! Ah, ne me touchez pas, ne me touchez pas. Ces mains rouges de sang. Mes mains. Vous me faites horreur. Arrière, je vous appelle au secours. Un homme de votre âge, vous devriez être honteux. Mauvaise foi du boucher. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Je tiens à l'estime des gens, moi. Parce que je suis un commerçant honnête qui vend de la bonne viande. De la bonne viande. Parfaitement, de la bonne viande. Je dis que votre pancarte me fait du tort et j'entends qu'elle disparaisse. Si j'ai mis cette pancarte dans ma vitrine, je ne vous oblige pas à la lire. D'ailleurs, je ne veux pas discuter avec vous, boucher. Laissez-moi passer. Vous savez que je suis trop bon garçon pour m'attaquer à un homme qui n'a pas plus de sang qu'un beefsteak de 3 francs. Encore une fois, laissez-moi passer, je n'ai pas le temps. Mauvaise foi du boucher, c'est pas croyable. Deux voisins, deux commerçants. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux s'accorder? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux se rendre service à l'occasion comme deux commerçants? Enfin! Boucher, n'allez pas plus loin. Je trouve ce rapprochement tout à fait déplacé. Il ne me plaît pas que vous mettiez nos deux professions sur ce pied de fraternité. Sachez-le, mon commerce de joaillerie n'a que trop souffert de la promiscuité de votre établissement. Mon établissement? Non, mais... Il y a 5 ans, avant votre installation, j'avais le voisinage d'un libraire. C'était un homme bien élevé, monsieur. Nos deux magasins, si je puis dire, se complétaient. Ici, le domaine des arts, là, le domaine de la pensée. Il n'était pas rare qu'un client... venu pour m'acheter une théière d'argent ou une pendule de bronze, s'en alla charger par surcroît des œuvres de Victor Hugo. Mais quand même, mon métier est aussi honorable qu'un autre, hein? Je voudrais bien vous voir découper un bœuf ou simplement l'assommer, là, d'un seul coup de masse. Ah oui, la force, hein? Sachez-le, on ne devient pas horloger comme on se met à tuer des moutons. J'ai un diplôme, moi, sur parchemin, avec 3 signatures, sans compter celle de l'impétrant. Faites-moi donc voir des bouchers qui est un diplôme. Est-ce que vous avez un diplôme, vous? Mais que j'en ferai, mes diplômes à moi. Les voilà, hein? Quant à votre parchemin, je veux pas en dire du mal. En tout cas, il vous a pas appris les bonnes façons. Boucher, laissez-moi passer. Oui, c'est ça. Rentrez dans votre bijouterie et faites-moi disparaître cet écriteau avant 5 minutes. Sinon, c'est moi qui viendrai vous secouer le paletot. Il n'y aurait pas que les joailliers sont toujours armés, je me défendrai. Tant mieux, je n'aurai pas besoin de me retenir. Je vous actionnerai en justice. Et moi aussi, je vous actionnerai. Un coup de galoche dans les fesses que je vous actionnerai. Grossier personnage. Ah, naturellement, encore une querelle. Alors, je peux plus m'éloigner d'un pas sans que vous échangiez des injures. C'est toi, Moreau, qui a provoqué Monsieur Duxin? Non, Lucienne, justement, ce n'est pas moi. Monsieur Duxin est venu me soutenir ici. Qu'il est plus difficile et plus méritoire de faire un boucher qu'un artiste horloger. Moi, mais jamais de la vie. Oh. Monsieur Duxin avait raison, comme d'habitude. Ah, naturellement, tu le soutiens. Monsieur Duxin n'aurait besoin que d'un apprentissage pour devenir horloger. Mais toi, tu ne seras jamais capable de porter un veau sur tes épaules ou d'assommer un bœuf d'un coup de masse. Ah, qu'est-ce que je vous disais? D'ailleurs, j'ai bien de la peine à croire que M. Duxin se soit dérangé pour vanter la supériorité de sa profession sur la tienne. Ce n'est pas de son caractère. Bien sûr que non. Enfin, que s'est-il passé, au juste? J'ai le droit de savoir. Voyons, Moreau, explique-moi. Non, mais j'ai tous les torts. C'est entendu, c'est jugé d'avance. Il trouve naturel que je sois obligé de fermer le magasin mardi. Mais la querelle n'est tout de même pas venue à propos de ces réparations. Mais si, il faut croire que si. Mais c'est pas moi qui l'ai cherché. Les travaux ne sont pas si importants qu'ils exigent la fermeture du magasin. Oui, ça vous est égal que mes clients reçoivent des briques sur la tête. Je lui ai dit que ça n'était pas dangereux. Les travaux doivent se poursuivre mercredi prochain au-dessus de la boucherie. C'est pas ça qui va m'empêcher de vendre de la viande, comme d'habitude. Non, monsieur Moreau, je vous le répète, vous n'aviez pas le droit de me faire un tel affront devant toute la ville. Un affront? Mais quel affront, Moreau? Oh, je ne lui ai rien dit. Ah non, vous n'avez rien dit, mais vous avez fait mieux. Tenez, madame Moreau, regardez-moi ça. Regardez-moi ça et dites-moi s'il n'y a pas de quoi mettre un honnête homme en colère. Oh, par exemple. Ça, c'est trop fort. Ah, oh, Moreau, Moreau, je... Tais-toi. Monsieur Duxin, soyez tranquille. L'écriteau va disparaître immédiatement. Et et je vous promets que cette plaisanterie n'aura pas d'autre suite. Vous êtes bien aimable, Madame Moreau. Ah, je vous assure que je suis confuse. Il n'y a pas de quoi. Mais dans le commerce, vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Hein? Voilà du bruit pour une petite affaire. Une petite affaire? Imbécile. Alors tu ne comprends pas que tu nous couvres de ridicule aux yeux de toute la ville. Ce n'était pas assez de tes jérémiades et de ton diplôme sur parchemin, il faut encore que tu... Allons, ôte-moi cette pancarte. Oh, c'est bon, je vais l'ôter. Je vous dis que j'ai entendu la voiture de la police. Mon Dieu, Mademoiselle Borne, mais que se passe-t-il? Le cordonnier de la rue des Tiercelines vient d'abuser d'une jeunesse de 18 ans. Allons donc. Je vous le dis. Une servante de 18 ans, elle venait chercher les chaussures de sa patronne. Et vous dites qu'il l'aurait... violée, Madame Moreau. Violée. Le cordonnier l'a jeté par terre, croyez-vous, hein? Là, par terre, derrière son établi, sur une pile de souliers. Sur une pile de souliers. Alors, qu'elle s'est débattue, qu'elle a crié. On est arrivé trop tard. On est arrivé trop tard. Il l'avait déjà déshonoré 3 fois. Vous m'entendez, Madame Moreau? 3 fois. Il paraît qu'elle n'avait même pas lâché son parapluie. Son parapluie. Oh, Madame Moreau, quand arrive le printemps, on peut bien dire qu'il va se passer des horreurs. Des horreurs. Et il s'en passe bien d'autres qu'on ne connaît pas. Hein, vous croyez pas, Madame Moreau, hein? Dites. Ah, je ne sais pas, Mademoiselle Verbe. Je ne sais pas. Et dire Madame Moreau? Dire que ce matin même, je lui avais porté une paire de souliers à réparer. Oh, j'ai bien vu qu'il me regardait d'un drôle d'air. Oh! Là, entre deux agents, c'est lui! Vous entendez? La police l'emmène. Je vais voir. Des gens comme ce cordonnier, Madame Moreau, on devrait leur ôter les moyens de recommencer. Leur ôter les moyens. Les moyens! Les moyens! Les moyens! Qu'est-ce que c'est? Le cordonnier de la rue de Tiercelines vient de violer une jeune fille. Oh, le cordonnier, par exemple, mais tu es sûr? Ne pose donc pas de questions stupides, Moreau. Faut qu'un homme soit diablement fort, tout de même. Un goujasse cordonnier, un dégoûtant personnage. Je te demande pas ton opinion. Eh bien, m'as-tu ôté cette pancarte? Écoute, Lucienne, je suis sûr que tu n'as pas saisi l'intention du boucher. Je vous disais tout à l'heure encore un client. Cet homme-là est jaloux de moi. Pas de raisonnement. Ôte-moi cette pancarte. Le boucher jaloux de Moreau, par exemple. Je me demande ce qui pourrait bien t'envier, le boucher. Oh, quand je pense. Jaloux de Moreau. Mais mon pauvre ami, quand on a le malheur d'être fait comme te voilà fait, on a au moins l'habileté de passer inaperçu. On ne va pas attirer l'attention sur soi en affichant des écriteaux ridicules. Et surtout, on doit avoir la modestie de ne pas se mettre en comparaison avec un homme tel que Duxin. Monsieur Alfred? Je vous demande pardon, je vous ai dérangé. C'est sans le faire exprès. Vous ne me dérangez pas du tout. Mon père m'envoie à la poste porter une lettre recommandée, alors je vais à la poste. À cette heure-ci, vous n'attendrez pas longtemps. C'est pas comme le matin. L'autre jour, j'ai presque attendu 3 quarts d'heure. Vous envoyez des roast beef par la poste? Le métier de boucher vous fait rire? Mais non, Alfred, pas du tout. Oh, vous pouvez me le dire, je m'en vexerai pas. Oh, je vous assure. Si vous saviez. Un boucher, c'est jamais une compagnie agréable. On a un tablier taché de sang, on manie de la viande, on trimballe des bêtes qui vous saignent sur les bras, on sent la viande et la scieur de bois. C'est pas comme dans la bijouterie. Vous savez, la bijouterie, d'abord ce sont mes parents qui sont dans la bijouterie. Moi, je ne suis rien. N'importe, c'est pas fait pour nous rapprocher. Tenez, depuis 4 ans que je suis votre voisin, je vous aperçois jamais que dans le couloir. C'est pas de ma faute. C'est même la première fois que vous me parlez aussi longtemps. Naturellement, je ne vous ai pas si tôt ouvert la bouche que vous vous sauvez. C'est à croire que je vous fais peur. Oh, si vous n'étiez pas dans la bijouterie. Oh, mais vous m'embêtez avec votre bijouterie. Je m'en fiche bien des pendules de marbre et des chaînes de montre. Oui, oui, on dit ça. Le métier que j'aime, Alfred, c'est le vôtre. Vendre du filet, vendre de l'entrecôte, de la longe de veau, vendre du mou pour les chats. Mais vous parlez pas sérieusement. Le mou pour les chats, c'est pas sérieux. Moi aussi, j'aurais des galoches, un tablier blanc. Vous me diriez, Madeleine, coupe une tranche dans le filet. Madeleine, prépare un pot-au-feu. Et je suis forte, vous savez. Touchez mes bras. Allons toucher. On vous dit de toucher. Madeleine. Fred. Oui, papa. Ah, pas de chance. Au moment où vous alliez peut-être vous décider. Madeleine, il faut que nous nous voyons plus longtemps. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Donnez-moi un rendez-vous. Un rendez-vous? Demain dimanche à la musique. Je vous attendrai près du pont, il n'y aura sûrement personne. Alfred! Vous pouvez compter sur moi. Au revoir, Alfred. Au revoir, Madeleine. Alfred, tu gardes la boutique. Je vais jusqu'au bureau de tabac. Tu penseras à parer la tête de veau qu'on viendra prendre avant dîner. Bonjour, monsieur Duxin. Bonjour, mademoiselle Madeleine. Vous allez en promenade? Oh, une petite promenade, monsieur Duxin. Je vais jusqu'au bureau de poste. Et moi, je vais jusqu'au bureau de tabac. C'est encore plus près. Je profite d'un moment de répit. Vous êtes si occupé? Eh oui, c'est pas l'ouvrage qui nous manque. Savez-vous, je crois qu'il faudrait une personne de plus à la boutique. Sympa de trop. Quelqu'un de jeune, d'alerte, une jeune femme. Eh vous, c'est bien ce qui nous manque. Madeleine? Au revoir, mademoiselle Madeleine. Monsieur Duxin. Qu'est-ce que vous disiez tous les deux? Monsieur Duxin me parlait du beau temps. Oui, oui, ça commence toujours par le beau temps. On connaît la chanson. Avec de pareils individus. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce boucher-là est une brute. À ne reculer devant rien. Tu ne trouves pas qu'il ressemble justement au cordonnier de la rue des Tiercelines? Non, je ne trouve pas. Eh bien, n'importe. Je t'interdis de lui adresser la parole. Ta mère lui a déjà témoigné trop d'indulgence. Il en abusera un jour. Pour notre malheur à tous. Mais papa, comment veux-tu que... Cet homme-là ne perd pas une occasion de me nuire, mais ma femme et ma fille ne savent que faire pour se mettre dans ses bonnes grâces. Mais je n'ai rien fait qui vaille de te mettre en colère. Monsieur Duxin me parlait aimablement, je n'allais pas l'envoyer promener. Si, justement. De tels rustres ne sont humiliés que par le mépris des femmes, qu'une femme, ou même une jeune fille, leur fasse sentir son dédain, et voilà toute la boucherie muselée d'un mot, d'un regard, d'un silence. Mais je ne méprise pas Monsieur Duxin, moi. Tu dois le mépriser. Je le méprise bien, moi. Je t'assure que c'est toujours montré avec moi d'une politesse parfaite. C'est heureux pour lui. J'en pourrais dire autant de son fils. Je dirais même qu'Alfred est presque trop timide, trop réservé. Mais tu parais le connaître beaucoup mieux que moi. Oui, oui. C'est-à-dire que je l'ai croisé quelquefois, dans le couloir ou dans l'escalier. Je ne peux pas dire que je le connaisse vraiment. Oui. Eh bien, ma fille, quand il aurait les plus beaux yeux du monde et toutes les qualités, quand il aurait l'instruction, tu m'entends bien, l'instruction, cet Alfred serait encore un boucher, fils de boucher. C'est assez pour que je t'interdise de lui adresser jamais la parole. Ne jamais adresser la parole à Alfred? N'y compte pas. J'aimerais mieux ne comment, plus... Comment? Tu as l'audace? Mais il n'y a personne qui puisse m'empêcher d'adresser la parole à Alfred, papa. Voilà une dispute. J'espère qu'il ne s'agit pas de réparation. Non, je disais simplement... Crois-tu que cette gamine-là ose me tenir tête? Mais je voulais dire... Une gamine qui n'a pas encore ses 17 ans. Eh bien, Madeleine. Papa veut m'empêcher d'adresser la parole à Alfred. Si ton père a jugé raisonnable d'interdire toute conversation avec Alfred, tu t'inclineras. Les parents ne parlent pas à tort et à travers, mais dans l'intérêt des enfants qui n'ont pas à apprécier leur décision. Mais maman, Alfred est un voisin. Quant à Alfred, je suis précisément de l'avis de ton père. Il ne me plaît pas que l'on puisse voir ma fille bavarder dans la compagnie d'un garçon bouché. Une jeune fille bien élevée choisit mieux ses amitiés. Est-ce que je suis l'ami du boucher, moi? Maman, je t'assure qu'Alfred est très gentil, très réservé. Si tu le connaissais mieux... Voyons, Madeleine, n'insiste pas. Ton père et moi avons dit là-dessus tout ce qu'il fallait dire. Alfred est peut-être un excellent garçon. Ce n'est pas une compagnie pour toi. Là, j'avais pourtant raison. Tu ne m'as pas soutenu. Ah, bien entendu, je ne t'ai pas soutenu. Ça n'était pas mon affaire non plus. Tu n'as pas de cœur. Si tu aimais ta fille... Ta mère m'aurait bien reçu. Oh, naturellement, t'as eu peur. Mais non, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Bon, je ne dis pas que ta mère n'ait pas été un peu catégorique. Après tout, il ne s'agit pas d'être impoli avec les gens, fussent-ils bouchés. Alors? Alors? Ben quand je t'interdis d'adresser la parole à Alfred, j'entends seulement que tu ne t'attardes pas en conversation. Hein? Je n'irai pas me formaliser d'une parole échangée en passant. Tu vois comme t'étais injuste tout à l'heure, ce pauvre Alfred. Mais tu sais bien que je n'en avais pas Alfred. Je suis persuadé que c'est un brave garçon. Allons, à la poste. Hein. Je dirais à Alfred que tu l'aimes beaucoup. Mais non, mais je te défends bien. Si ta mère nous entendait. Ah ah, on a pourtant retiré la pancarte. Boucher, j'espère qu'après ce premier avertissement, vous aurez la discrétion de rester à votre étal et de ne plus troubler la paix d'un homme de bien qui a su mettre de son côté le bon droit et l'élégance d'une parfaite courtoisie. Je voulais pas vous fâcher, monsieur Moreau, surtout que vous avez déjà assez d'ennuis comme ça avec la bonne. Pauvre fille. Pourquoi, pauvre fille? Non, pas l'habitude de maltraiter nos servantes, que signifie cette insinuation? Je dis pauvre fille parce que ça n'est jamais agréable d'être violée par un cordonnier. Le cordonnier? Moi, voulez-vous dire que la victime serait justement... Mais non. Mais si, Augustine, votre Augustine. Ah, je vous croyais au courant, moi. Toute la ville en parle. Mon Dieu! On a violé la bonne. La nôtre. Lucienne. Lucienne! Lucienne! Monsieur Duxin, j'allais justement chercher ma viande. Je vais aller vous servir. Je vous remercie. C'est si naturel. J'aime que ce soit vous qui me serviez. Je vous garde toujours les bons morceaux. J'aime. J'aime vous voir comme vous êtes là. Le cou dégagé, les bras forts. J'aime vous voir prendre la viande et la claquer sur la table. Le sang vous court sous la peau. Vos mains couvrent tout un beefsteak. Elles sont fortes, vos mains. Bien sûr, c'est pas des mains de pianiste. Et quand vous cassez, quand vous coupez, on voit les muscles se durcir. Là, on voit l'effort de la poitrine et des épaules et des reins. On sent la santé, le muscle partout. Oh, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est Moreau. Tout à l'heure, je l'ai entendu dire. Ce Duxin est fort comme un Turc. Ah, sa question de santé, je n'ai pas à me plaindre. Je me porte assez bien. Tout est solide. Tout est fort. On voudrait être serré dans ces bras-là. Presser son ventre sur ton tablier. Madame Moreau. Respirez le sang sur ta nuque, sur ta poitrine. Oh, madame, je suis sûr. Oh, gorgeur, brute! Oh. Je croyais pas. Je suis un dégoûtant. Oui, un dégoûtant. Une brute, une grande brute, une sale brute de boucher. Bon, ça va, je me suis mis dans mon tort. Vous êtes fourré dans les mauvais lieux tous les soirs, hein? Bon, voilà des questions. Comme une brute! Mais c'est mon affaire. Tu y vas. Tu y vas. Brute, serre-moi. Tutoie-moi. Serre-moi avec toutes tes forces qu'on entende craquer mon cœur bouché. Mon Dieu, si jamais je m'y retrouve, moi. C'est ça, jure. Parle comme un homme. Je ne veux pas que tu me parles d'amour, pas maintenant. Je veux des bras d'homme. Bouché. Boucher, mon boucher, mais embrasse-moi, empêche-moi de parler. J'ai peur que ça finisse encore par des gifles. C'est vrai, je t'ai giflé, mais il ne fallait pas y faire attention. Il fallait poursuivre, montrer ta force. Je vous dirais que ça n'est guère mon genre. Moi, j'aime qu'on prépare les choses avec du sentiment. Pourtant, je peux bien vous le dire à présent. Quand je vous rencontrais dans le couloir ou dans l'escalier, j'en tremblais dans ma peau. D'envie, hein? C'était d'envie que tu tremblais. Tu sais, je suis belle, tu verras. Tiens, regarde ma taille. Regarde ma jambe. Tu t'en saouleras, Boucher. Tu t'en saouleras. N'en promettez pas tant, à la fin, ça énerve. Tu ne sais pas encore ce que peut être une femme. Une femme à qui l'angoisse et le regret du plaisir serrent la gorge depuis des années et qui tout d'un coup lâche la bride parce qu'elle ne peut plus se défendre. Qui lâche la bride, Qui lâche tout. Oh, j'ai chaud à la gueule. Si tu savais, Boucher, comme je suis pressée. J'ai tant attendu, j'étais bête. C'est si simple de se laisser aller. Si simple qu'on n'y pense pas. Qu'on n'ose pas y penser. Les femmes, c'est pas comme les hommes, tout de même. Mais quand je venais à la boucherie, ou bien le soir, en pensant au jour qui viendrait, et aussi quand je te voyais traverser la rue, le pas lourd, les épaules balancées, mes tempes battaient, mes mains devenaient froides. Ça me faisait pareil. Mais moi, c'était plutôt le sentiment. Oh, pourquoi m'avoir laissé attendre si longtemps? Je n'osais pas. C'est vrai, quand on aime une femme, on en a peur. Et puis l'impatience, ça vaut cravate. Alors je me disais, Duxin, si tu rencontres Madame Moreau à la cave ou au grenier, va-t'en, sinon tu vas faire du vilain. Voilà comme c'est, les hommes. Ils ont toujours peur d'être les plus forts. Surtout moi, parce que c'est dans ma nature d'aimer avec le cœur. Tant mieux, tant mieux. Je vous parle franchement. Mais oui. Oh, 6h05, et Moreau qui va sortir pour aller au café. Avant de nous séparer, il faudrait convenir d'un rendez-vous. Demain, dimanche. Mais non, le dimanche, je l'ai sur le dos toute la journée. Oh, je le connais, il ne me quittera pas d'un pas. Mon Dieu, comme il est gênant, déjà. Non, pas demain. Mais si, demain après-midi, vous n'avez qu'à aller à la musique. Vous manœuvrez pour le perdre. Derrière le kiosque, il n'y a jamais personne. Je vous attendrai là. Oh, j'essaierai. Lucienne. Oh, est-ce qu'il vous reste du mouton? Un morceau pas trop gras. Bonsoir, mademoiselle Lepage. Dans bonsoir, l'épaule. J'aurai quelque chose de joli dans l'épaule. Je vais voir. Pour demain, il me faudra un bon rôti dans les 15 francs. Vous inquiétez pas, c'est moi qui m'en occupe. Vous me direz si c'est temps. Je le voudrais de bonne heure. La bonne viendra le chercher. À propos, elle est revenue? À qui? La bonne. Ah, vous n'êtes pas au courant, vous non plus? Le cordonnier. Je suis pas du... Mon Dieu, est-ce que le cordonnier... Eh oui, c'est Augustine. Augustine! Oh, quelle affaire! Toute la ville au courant, la bonne des Moreau. Oh, ne manquez plus que ça. Vous n'êtes pas responsable.